seconde partie d'émission. Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Michel Monnette qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières, Attaque Québec. Je lis sur le site de l'Association internationale de techniciens experts et chercheurs, laitech.com, le Tribunal permanent des peuples est une institution internationale créée en 1979. Elle succédait au Tribunal Russell, fondé par Bertrand Russell, amené à se prononcer en son temps sur la situation au Vietnam et en Amérique latine. On en parle avec Luc Binette après l'écoute de la chanson « L'Arménienne » du groupe « Les Ogres de Barbac ». Que me reviennent en mémoire cette histoire qui est la tienne. Tu sais, j'ai du mal à croire que tu sois née arménienne. Ainsi d'un autre pays, d'un autre temps, d'un autre lieu. Ainsi jadis tu as souri et tu pensais vivre mieux. J'ai du mal et quel hasard, devant ma télévision, on ne me parle de ton histoire qu'en pire sujet d'information. Pour couronner sans importance des années de guerre truquées, la terre tremble comme je pense que tu n'y es jamais retourné. Oh, j'irai voir en harmonie, j'irai découvrir ce mystère qui m'a laissé comme je suis, étonné, curieux mais amer. Et si je croise belle surprise un frère, un cousin, une cousine, je lui parlerai de l'emprise de tes câlins, de ta cuisine. Laisse à l'écriture dont je connais, c'est étonnant, ligne après ligne, toute l'aventure, pour que jamais l'on ignore qu'en France tu as vécu cela. C'est tous les dieux que j'implore de ne plus faire n'importe quoi. Oh, c'est promis ma petite mémé, j'irai voir dans ce pays pourquoi ma famille blessée. Un soir du fuir l'Arménie, je ferai vivre ton image battant la poussière de mes pieds, découvrant d'où vient cette rage, celle qui m'a toujours hanté. Hanté, hanté. Cette histoire qui est la tienne, tu sais, j'ai du mal à croire que tu sois née arménienne. Mais que me reviennent en mémoire cette histoire qui est la tienne, tu sais, j'ai du mal à croire. Que tu sois parti loin des tiennes. Voilà, c'était l'arménienne du groupe Les Ogres de Barbac, l'arménienne qui évoque en trame de fond les problèmes vécus, les difficultés vécues par le peuple arménien. Luc Binette, bonjour. Bonjour, Michel. Les Arméniens sont un des peuples qui ont vécu des troubles, des difficultés, des problèmes, des massacres, enfin toutes sortes de problèmes. Et c'est le Tribunal permanent des peuples, on va y venir, le Tribunal permanent des peuples a été institué justement pour examiner des situations qui causent des problèmes à différents peuples. Mais dans un premier temps, j'aimerais que vous nous disiez, pour le bénéfice de nos auditeurs, qui vous êtes et quel est votre lien avec le Tribunal permanent des peuples. Ma fonction, c'est celle de chercheur en astronomie à l'Université autonome de Mexico depuis 1998. Et ma participation dans le Tribunal permanent des peuples au Mexique, c'est plutôt une fonction d'appui, de publicité et d'accompagnement, autant que ce soit possible, de cette organisation. Et donc, depuis quelques mois, j'ai participé, par exemple, à la caravane de participants qui s'est dirigée vers la Ciudad Juárez en mai, où a eu lieu la première audience publique du Tribunal permanent des peuples, session Mexico. Peut-être pour le fils de nos auditeurs, indiquer à quel endroit est situé exactement l'endroit que vous venez de mentionner. Est-ce que c'est au nord, au sud, au centre? Ciudad Juárez est la ville frontalière de l'État de Chihuahua, donc frontière avec les États-Unis. Ah, voilà. Toute la question des... de la frontière, justement, là, des immigrants illégaux et tout ça. En fait, on dit illégaux, là. Donc, dans un premier temps, peut-être faire rappeler brièvement ce qu'est le Tribunal permanent des peuples? Le Tribunal permanent des peuples est un tribunal d'opinion. D'opinion. Exactement. Ce n'est pas un tribunal qui est autorisé ou nécessairement... Il n'y a pas une valeur juridique dans les pays où il s'établit pour faire une analyse de situation ou de plainte des peuples. C'est donc un tribunal international d'opinion dont la mission est de rendre visibles des situations de telle façon que la communauté internationale peut appuyer ou faire pression sur le pays en question pour qu'il rétablisse l'équilibre ou fasse la place aux peuples dont les droits auraient été brimés. Ce tribunal d'opinion, dans le cadre du Tribunal permanent des peuples, est formé d'experts ou sommités internationales qui remettent des avis consultatifs au jury, lequel dirige et médiatise les procès. Le jury est formé de personnalités venant de partout à travers le monde? Oui, en fonction de leur spécialité. Par exemple, dans le cas de Ciudad Juárez, on avait la Mireille Mendes France, qui est directrice d'une fondation en France et qui a participé, qui était un membre du jury. Et tous les autres membres sont aussi des personnalités connues dans le monde juridique, dans les pays d'Amérique latine ou en Espagne ou même en Australie. Avant d'en venir le tribunal, si j'ai bien compris, permanent des peuples, va étudier la situation au Mexique, mais peut-être donner des exemples d'interventions. On en jasait avant d'entrer en onde. Il y a eu quand même plusieurs interventions du Tribunal permanent des peuples. Peut-être donner quelques exemples, justement, d'interventions du Tribunal permanent des peuples dans les années précédentes. D'accord. Des exemples, il y a eu 38 sessions dans le passé, entre lesquelles on retrouve la session sur l'impunité en Amérique latine en 1991, les politiques du FMI en 1989, les politiques de la Banque mondiale en 1994, le droit international et les nouvelles guerres en 2002, les catastrophes industrielles comme celle de Bhopal et de Tchernobyl, les sociétés transnationales et droits des peuples en Colombie 2006, et enfin, l'Union européenne et les entreprises transnationales en Amérique latine, 2006-2010. Donc, ce sont que quelques exemples parmi les 38 qui ont été couvertes. Si je comprends bien, parfois c'est un pays ou une région en particulier, parfois c'est plus global, si on regarde les différentes interventions. C'est ça? Oui, la notion de peuple ici est très générale. Elle ne correspond pas aux divisions géographiques, bien que les peuples occupent toujours un territoire. On fait référence à l'existence comme peuple de population ou de communauté à travers le monde. Enfin, peut-être un exemple pour que nos auditeurs comprennent. Il y a les Kurdes qui sont dans trois pays différents. Qui ne sont pas reconnus par les pays où ils sont citoyens en ce moment. Voilà. On leur nie l'expression de leurs droits et de leur culture en partie. Oui, c'est un très bon exemple. Le Mexique est formé d'une multitude de communautés centenaires le pays est habité presque dans tout son territoire, à la différence du Canada, et il est composé de communautés. Oui, et de différents peuples aussi. Hein? Oui, oui, et de cultures, de langues, les Mayas, par exemple. Les Aztèques, les... Etc., oui. Oui. Donc, si je comprends bien, il y a, le tribunal permanent des peuples a entrepris son analyse de la situation au Mexique. Est-ce qu'il s'est donné un échéancier ou... Mais la session mexicaine va durer à peu près 3 ans. Okay. Elle a débuté au mois d'octobre de 2011. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a plusieurs facettes qui vont être analysées en même temps, mais le point central, ce sera en fait de mettre en jugement l'impact des traités du libre-échange. Le Mexique bat tous les records à ce niveau-là. Il a signé 10 accords de libre-échange qui mettent en cause plus de 40 pays à travers le monde. Et on a toujours fait miroiter la possibilité d'enrichissement que pourraient amener ces traités de libre-échange commerciaux. Et dans les faits, on observe un recul à plusieurs plans. Et ce sont ces 7 plans d'études qui vont être l'essence du tribunal, des sessions d'études, d'analyse au Mexique. Je vais nommer ici, par exemple, la guerre sale, telle qu'exprimée par la violence, impunité et le déni d'excès à la justice. Guerre sale, référence à la guerre du narco aussi. L'immigration, le deuxième point. Les réfugiés qui passent à travers le Mexique et qui sont parfois exploités ou utilisés ou vendus. Le féminicide et la violence de genre, le point 3. La violence contre les travailleurs. 5. La violence faite au maïs, à la souveraineté alimentaire et à l'autonomie. 6. La destruction de l'environnement à travers les minières en grande partie. La désinformation étant le point 7, la censure et la violence contre les journalistes. Il y a eu 79 journalistes assassinés depuis 2000. Oui, c'est un problème, non seulement au Mexique, mais un peu partout à travers le monde, l'assassinat des journalistes. Vous avez mentionné, évidemment, quand on parle de maïs, on parle de Monsanto, on en parlait encore une fois avant d'entrer en onde, mais il y a aussi les minières. Et là, on est plus directement concerné, peut-être, ici au Canada, par ce que font nos minières au Mexique? Oui, le Canada a... est une plaque tournante finalement pour les entreprises minières internationales où elles ont des cotées à la bourse de Toronto, comme l'a bien fait remarquer Alain Deneau. 60% des positions cotées en bourse des minières le sont au Canada. Et ces minières opèrent... sans aucun contrôle dans bien des cas, dans plusieurs pays en Afrique ou en Amérique latine, où les contrôles sont assez amoindris. L'impact n'est pas corrigé au moment de la fermeture des mines. Et j'ai vu de mes yeux au Mexique de telles mines qui opèrent même dans un cas particulier à San Luis Potosí de manière illégale, c'est-à-dire que la cour mexicaine a nié la légalité de l'opération de la mine Barrick Gold, et malgré tout, elle continue à opérer cette mine. Il y a Monsanto aussi, toute la question du maïs, parce que le Mexique est un peu, le lieu de... Le berceau du maïs. Comme culture, comme phénomène culturel. Il y a une culturel, grande diversité écologique, mais là, le danger, c'est que tout ça soit complètement laminé par, tous ces traités de libre-échange. Oui, exactement. Dans le cas de maïs transgénique, ce qu'on ne réalise pas, c'est que les semences voyagent dans le vent, et donc quand un territoire est partagé avec des semences natives ou des semences transgéniques, bien, les transgéniques vont contaminer le maïs historique traditionnel. Ce qui fait que les communautés qui, pendant des siècles, ont fait évoluer leur maïs, leurs semences, ne sont plus en position de contrôler les paramètres de culture du maïs. Vous avez parlé de féminicide tantôt. Justement, on recevait Emilia Castro qui nous parlait de 24 heures d'action dans le monde contre la violence faite aux femmes. C'est un grave problème au Mexique? Oui, c'est le cas. La Ciudad Juárez est justement connue mondialement pour l'émergence de ce problème. On y a rapporté l'assassinat de 379 femmes entre 1993 et 2005. Donc, une situation sociale très compliquée. Premièrement, les entreprises qu'on appelle maquilladoras qui occupent la frontière. En fait, ce sont des usines qui exploitent la main-d'œuvre à très bon marché. Bien, souvent, elles n'emploient que les femmes parce qu'elles sont plus habiles avec leurs mains. Donc, ce sont des villes où les hommes n'ont pas leur place. Ah oui. Il n'y a pas de service de garderie d'État comme au Québec. Donc, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Alors, ça développe toutes sortes de problèmes sociaux et, finalement, la précarité sociale. Il y a tellement une demande forte de travail que les gens s'abonnent au travail de manière journalière. Ils n'ont pas un poste permanent. On a envie de dire vive la mondialisation. Vous avez parlé aussi du problème des immigrants, entre guillemets, dits illégaux. Ça aussi, c'est un grave problème. Bien, le Mexique a cessé de défendre les citoyens mexicains qui, par la force des choses, par leur situation économique, vont aux États-Unis pour travailler. Ils y font un merveilleux travail, mais ils n'ont aucune protection et on les maintient dans un état de précarité de façon à ce que les salaires soient toujours vers le bas. Le système libre aux États-Unis fait que on marchande ses droits en échange de travail. Donc, ils font un travail essentiel au maintien et la croissance de l'économie américaine, mais on les maintient dans un état de précarité. On les invite à mots couverts et on les met à la porte dès que l'économie passe par un mauvais coton, pour ainsi dire. Le tribunal a commencé ses travaux. Il va se déplacer dans plusieurs villes mexicaines. Et vous allez accompagner des... Bien, si l'occasion se présente, oui, certainement. Surtout dans le domaine environnemental, ça m'intéresse beaucoup parce que ça touche indirectement le Canada, le pays d'où je suis issu. Et quand j'ai découvert au Mexique comment les minières qui sont canadiennes se comportent là-bas, un sentiment de honte m'a accompagné. Et donc, je suis plutôt sensible à ce dossier plutôt que les autres qui relèvent plus de la politique intérieure du Mexique. Il y a des organismes de défense des droits des différents peuples mexicains qui interviennent auprès de ce tribunal, j'imagine? Cet aspect-là, je ne l'ai pas regardé de près. Okay, je regrette, okay. Là, je ne peux pas commenter. Parce que comment ça fonctionne? Le tribunal essaie de s'informer, de documenter, il fait des enquêtes auprès des populations locales, il va chercher des témoins, j'imagine, c'est ça? C'est-à-dire, oui, on invite toute intervention de communautés ou d'individus qui auraient des plaintes au sujet des 7 thèmes dont j'ai parlé au préalable. Oui. Et donc, ils sont invités. Et même l'autre partie, on n'empêche personne de se présenter au tribunal. Au contraire, l'invitation est ouverte. Vous voulez dire l'autre partie, ceux qui sont accusés? Qui pourraient être accusés, bien sûr. Okay. Ils peuvent présenter leur défense, ce qu'ils ne font pas en général parce que, je ne sais pas. Ils n'en sentent pas le besoin, tout simplement. Ils ont les... Ben, ça donnerait... Ils ne veulent pas donner de crédibilité à ce tribunal d'opinion. Voilà. Alors, participer, ça voudrait dire on reconnaît que ce tribunal a quelque chose à dire. Oui. Vous retournez au Mexique bientôt? Oui, je retourne en janvier pour continuer mon travail à l'Université autonome de Mexico. En terminant, est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste ou pessimiste quant à l'avenir? Bien, moi, je ne suis pas optimiste parce qu'on ne voit pas l'émergence de problèmes qui viennent rapidement à notre horizon de 10 à 20 ans. Par exemple, comme la fin probable de la croissance. On promet toujours plus de croissance. Or, notre planète, il n'y a pas les ressources pour ça. Et au Québec, malgré le fait qu'on ait des partis de gauche, très peu voient l'émergence de ce problème à l'horizon. On parle de minières, on veut mieux les contrôler. Oui. On veut compenser, corriger le système, mais on ne met pas en cause le fondement principal qui est celui de la croissance, faire miroiter une plus grande richesse. Or, déjà, on est parmi les pays riches et on n'en veut plus, alors que le reste de la planète, en grande partie, n'a pas l'essentiel. Alors, exact. Jusqu'où on veut aller? Et on va plus tard se battre pour les ressources qui restent à utiliser. Donc, on a vraiment besoin d'une nouvelle conscience planétaire pour imaginer des solutions possibles. Au Québec, il y a le mouvement de décroissance conviviale, qui est une avenue de gens qui pensent à ce problème et essaient de trouver une autre façon de fonctionner en société à l'avenir. Bien, merci beaucoup, Luc Binette. On aurait pu en parler encore longtemps parce que, bon, il y a beaucoup de choses, finalement, qui se passent au Mexique, malheureusement, dont on n'est pas au courant ici. Vous avez un peu éclairé sur la situation et on va tenter de suivre, justement, les travaux du Tribunal permanent des peuples. Merci. Merci, Michel, pour l'invitation. Merci. Au revoir. Bonne fin de séjour au Québec. Merci. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'éditorial de Claude Vaillancourt. Claude Vaillancourt qui va nous présenter cette semaine un éditorial sur la vérification citoyenne de la dette. On écoute, Claude. Petite question. Pourquoi le PQ n'a pas réalisé les promesses qu'il a faites dans sa campagne électorale dans son dernier budget? Réponse. Parce qu'il a voulu réaliser l'équilibre budgétaire. Pourquoi l'équilibre budgétaire est-il à ce point nécessaire? Parce que nous avons une trop grosse dette. Eh bien, parlons-en justement de cette dette. Si on observe la tendance, rien ne vaut mieux qu'une bonne dette pour restreindre la démocratie. Un pays endetté n'est plus maître de ses choix. Il doit obéir à ce que lui dictent ses créanciers et ceux qui les représentent. J'ai déjà parlé dans cette émission des agences de notation. Ainsi, on assiste trop souvent au spectacle d'élus humiliés et soumis, incapables de gouverner pour le bien de leurs citoyens. Mais en fait, qu'est-ce qu'on sait de la dette? On sait qu'elle est grosse, très grosse, trop grosse, et qu'il faut absolument la rembourser. C'est la règle élémentaire, quand on est endetté, il faut payer. Mais il y a des citoyens et des citoyennes dans le monde qui ne veulent pas s'en arrêter là. Ils se posent des questions. Par exemple, à qui doit-on au juste? Pourquoi a-t-on emprunté? Les conditions dans lesquelles on a fait les prêts sont-elles acceptables? Les taux d'intérêt sont-ils justifiables? Qui profite de la dette? Répondre à ces questions nous permet d'éclaircir bien des choses. Par exemple, est-ce qu'on doit à nos propres citoyens ou à des étrangers? Si on doit majoritairement à nos citoyens, et c'est le cas du Québec, la dette est à l'abri de la spéculation et reste dans les mains d'épargnants qui ne sont pas à la recherche de liquidités et de rendements élevés. Ce qui n'est pas le cas si la dette est titrisée et appartient à des étrangers qui spéculent, comme en Grèce, un cas bien sûr extrême et dramatique. Il nous faut savoir aussi quelle est la part illégitime de la dette. Par exemple, emprunter à des taux élevés pour des contrats dans le secteur de la construction dont les coûts sont exagérés, est-il vraiment acceptable? Ne serait-il pas important au Québec d'observer les effets de la collusion et de la corruption sur notre dette? Peut-être qu'il serait tout simplement possible d'annuler cette dette que l'on pourrait qualifier d'illégitime, ainsi qu'on a fait dans certains pays comme en Équateur. Il faut comprendre aussi le lien entre les dépenses publiques et la dette. Au Québec, la dette a considérablement augmenté, alors que les dépenses sont restées stables. D'où vient cet écart? Comment expliquer l'inflation de la dette dans un contexte de stabilité budgétaire? Il me semble qu'il serait le temps de le savoir. Il nous serait alors possible de révéler des choix douteux qui ne profitent pas à la majorité, notamment au niveau des politiques fiscales. Dans plusieurs pays, des gens se mobilisent et demandent une vérification comptable citoyenne de la dette. Ou dans la langue anglicisée de nos camarades européens, ils demandent un audit citoyen de la dette. Ce travail devient fondamental pour évaluer plus efficacement les politiques budgétaires des gouvernements. Comprendre la nature de notre dette, c'est une façon de se réapproprier la démocratie en évitant de se laisser berner par des chiffres qui ne veulent rien dire si on ne parvient pas à les analyser. Pourquoi alors ne pas nous lancer, nous aussi, dans cette vérification citoyenne de la dette? J'en arrache les skieurs par MC Phyllis et Max Robin. Aller dans le nord en plein hiver pour se faire geler comme des grêlons, je suis bien mieux chez nous à couvert. Y'en a ben assez que j'en arrache à rester debout sous mes deux pieds pour marcher sur le plancher des vaches. J'irai pas en ski mettre au pied. Ils marchent embarqués sur deux plaintes avec l'air de ses vertus et à se faire glisser à tout éteindre comme s'ils avaient envie de se tuer. Les skieurs se promènent en culotte, y'en a qui ont l'air des échalotes, pis d'autres qui sont tellement boulottes qu'on n'a pas qu'elles volent en éclat. Oui, y'en a ben qui ont une charpente à se demander si c'est certain qu'elles font pas écrouler le mont bord en embarquant un bon matin. Y'a ben des skieurs qui vont en fait se promener dehors malgré le nord-air. Pis donc ils font du ski chasse fait ben confortable dans le chalet. Des jeunes vont se promener loin de la ville en disant que c'est pour faire du ski. Mais y'en a qui sont moins habiles sur ski que c'est vers de whisky. Les vrais skieurs c'est sinon, les autres restent à l'hôtel au chaud. C'est-il ça comme dirait pardon, une histoire des pays d'en haut. Une histoire des pays d'en haut. C'est-il ça comme dirait pardon, une histoire des pays d'en haut. Ah, c'était les skieurs, c'est Mick Phyllis et Maxime Robin. Ça, c'est de la compilation. Je rappe tout seul, quand j'en arrache. En fait, ce sont des poèmes du poète Jean Arrache qui ont été mis en musique par différents musiciens. On s'en va à la pause publicitaire et par la suite, au retour, ce sera la chronique de Renaud Blais. À tout de suite. C'est KRL 89.1, Québec. Chez Contes de Fées, la magie est dans les histoires. En sortie le 15 décembre, venez vous faire ensorceler au Studio P, dès 13h, au 280 Saint-Joseph-Est. Après avoir été envoûté par Yolaine la Conteuse, vous partirez quelque part en Amérique avec Alain Beaulieu. Ensuite, Cassandre vous chantera l'amour et Tania, notre libraire, dira le mot de la fin avec ses livres. Gourmandise et prix de présence à la fin de l'émission. C'est gratuit. Une invitation du Café Babylone, du Studio P, de la librairie Pantoute et de CKRL. Alimentation GD vous offre une grande variété de bières pour vous accompagner durant vos parties de bureau. Faites la découverte de nouveaux produits et de prix compétitifs tels que la caisse de 24 canettes de Coors Light à seulement $23,99 plus consigne. Et la 36 canettes de Budweiser au plus bas prix permis par la loi à $38,32 plus consigne. Prix sujet à changement. Alimentation GD, 500 3e avenue Limoilou, 418-529-3744. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'impro BD. à la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le 16 décembre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. AV Jam, ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. AV Jam offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70, également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. AV Jam, 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875. AVJam.com. Nous sommes de retour à l'émission Le Grain de Sable. Salut tout le monde. Ça va bien? Très très bien. Bon, moi, je me considère comme un militant intermondialiste depuis une douzaine d'années. J'ai été également reconnu comme Indien à part entière en 2012, ce qui fait de moi un métis et fier de l'être. Cette semaine, ta chronique porte sur... Ben, je me suis inspiré d'un livre qui est Georges E. Siwi, qui est un historien Huron-Wendat, qui a fait sa thèse de doctorat sur... les Hurons et leur origine, tout ça. Son livre s'intitule « Les Hurons-Wendat, une civilisation méconnue », publié aux presses de l'Université Laval en 1994. Puis je vais avertir les gens, ça ne sera pas de tout très réjouissant aujourd'hui, parce que j'ai toujours adopté une position relativement positive des Autochtones, mais là, c'est une partie un petit peu moins rose. Alors, on vous écoute, René. Alors, le livre dont je parle, « Les Hurons, une civilisation méconnue », il s'agit d'une vulgarisation de la thèse de doctorat du docteur Georges E. Siwi. Je vous présente la théorie dite « Dobbins », qui présente dans son livre, du nom de son principal chercheur, qui se base, lui, sur des recherches de Posey, qui est un autre chercheur. Je vous donnerai toutes les références à la fin. On va les ajouter sur notre blog, Renaud. On pourra faire ça aussi. Bon. Alors, cette théorie consiste à affirmer que bien avant les grandes épidémies du 17e siècle, qui se sont produites lorsque les commerçants et missionnaires français se sont mis à fréquenter les communautés autochtones, Wendat par exemple, qui ont été complètement décimées en une vingtaine d'années. Alors, il est bien connu qu'en 1630 et 1650, à la suite de la pénétration massive des microbes européens dans les communautés Huron-Wendat, celles-ci ont été grandement affaiblies. C'est de cette époque-là, 1640-1650 surtout, que datent les exécutions de ceux qui sont devenus les Saint-Martyrs canadiens. Quelque chose que tout le monde a entendu parler, ou presque, sauf de peut-être plus d'un cours d'histoire depuis une vingtaine d'années. Bon, ceux-ci ont été massacrés autant par les groupes qui attaquaient les communautés Wendat, qui les prenaient pour cible, que par les communautés visitées qui associaient leur mort avec leur visite. Autrement dit, les missionnaires arrivaient, visitaient les maisons, une fois qu'ils étaient passés, les gens mouraient facilement, puis à un moment donné, les Autochtones se demandaient, ben voyons, pourquoi vous autres, vous mourrez pas? Fait que là, il y a eu une conception, ce dommage causé par la dissémination des virus européens a beaucoup facilité la dispersion des Hurons-Wendat au profit des communautés voisines qui ont ainsi récupéré leurs terres fertiles, leur territoire de chasse, de pêche et le lieu géographique stratégique qui était un carrefour de commerce avec les autres communautés nomades du nord et de l'ouest. Par exemple, les Wendat cultivaient ils échangeaient leur production agricole contre les gibiers et autres produits de la chasse et de la pêche des communautés plus nomades. Alors, il est question ici des territoires entre la baie Georgienne et le lac Simcoe. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Dobbins affirme, en s'appuyant surtout sur les recherches de Posey au Brésil, que près d'un siècle plus tôt, on parle à ce moment-là plus du 17e et du 16e siècle, on parle plutôt de l'époque de Jacques Cartier versus Champlain, là. Au moment des premiers contacts, on ne parle pas du moment où les commerçants et missionnaires se sont mis à fréquenter les communautés, mais au niveau des premiers contacts. Il y eut une période d'anéantissement des populations. Dobbins parle de trois types de ces premiers contacts. Il dit des contacts indirects, des contacts directs, puis des contacts par intermédiaire. Il les définit comme ceci. Les contacts indirects, il entend lorsqu'un groupe non contacté trouve ou prend des objets qui ont été possédés ou manipulés par un autre groupe en contact avec les coloniaux. Les germes des maladies peuvent être transportés par les insectes ou voyager par l'intermédiaire des animaux. On parle de contact indirect. Maintenant, les contacts par intermédiaire. Ils impliquent les postes des blancs, les intermédiaires de la traite, du genre coureur des bois et autres partenaires commerciaux des Indiens. Les chercheurs d'or, de caoutchouc, etc. Aussi, les esclaves fugitifs, les expéditions militaires anti-amérindiennes et les entreprises religieuses. Ça, c'est des contacts par intermédiaire. Maintenant, les contacts directs, c'est plus simple à comprendre, se font par des raids contre des nations ennemies, souvent pour s'accaparer leurs objets matériels, mais aussi pour enlever des captifs ou des enfants qu'on adopte, ce qui était courant dans les cultures à l'époque. Tout aussi direct sont les contacts de pénétration des colonisateurs sur leurs terres pour venger la mort d'un des leurs ou punir un acte de sorcellerie. Quand je t'ai parlé tantôt qu'on assassinait les martyrs canadiens, on a associé ça à leur pouvoir de sorcier qui faisait qu'eux ne mouraient jamais. C'est tout simplement, on peut l'expliquer aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient été immunisés contre ces microbes. Alors maintenant, posé, je le cite, les cas ne sont pas rares où 85 à 90% d'un groupe donné ont été détruits par une seule épidémie. Un calcul approximatif permet d'affirmer que 85% des populations aborigènes moururent de maladies européennes durant la première génération suivant le contact initial. Par exemple, durant une épidémie de rougeole dans un village Kayapo du nord du Brésil, 34% d'une population vaccinée moururent en 2 semaines. Et cela compris tous les gens de 40 ans et plus, à l'exception de 2 femmes. Imaginez les effets sur les populations non vaccinées. Je vous cite encore Posey. Ce sera peut-être un petit peu long, mais vous verrez, le contenu est absolument renversant. L'effet immédiat sur ce groupe particulier de Kayapo fut qu'il n'y avait plus personne pour s'occuper des champs cultivés, ni même récolter les produits mûrs. Le village se trouva affaibli au point que, dans l'aide médicale fournie par une équipe missionnaire, le groupe au combat, sans l'aide médicale fournie par une équipe missionnaire, le groupe au complet serait disparu. Le groupe survécut donc, mais les systèmes culturels et sociaux furent soudainement paralysés, étant donné que la transmission de la culture s'effectue surtout par la communication entre enfants et grands-parents. Imaginez, il n'y a plus de grands-parents. Il n'y avait plus de grands-parents. Pas un seul ancien pour enseigner les rituels essentiels qui assurent les bonnes récoltes, ni personne pour nommer rituellement les enfants et ainsi perpétuer le système de succession unique au Kayapo. De plus, les rôles spécialisés dans les activités cérémoniales étant strictement réservés à certains lignages, des cérémonies et des rituels entiers disparurent en même temps que les membres âgés des lignages. Le village se trouva rapidement en proie à une chaotique déculturation. Alors, on va prendre une petite pause avec la pause musicale et je vous reviendrai. Merci Renaud. On écoute Nicamouyat de Florent Volant et Sylvain Michel. Tes nam de mes Athéna, Nina, comme nom. Ne bout de nom, ne pompe de nom. N'en doit Athéna, Nina, comme nom. Ne t'en de nom, ne m'énoie d'un. Mamou lui n'a comme nom. Nandena, in the camiat. Nandena, ni mamuiziat. Nandua tena, ni me no atam. Nandua tena, ni na kam na. Ne put tena, ne pom tena. Ne mnoa tena, ni na kam na. De nan de me noatan ma mouline a kamna men de nan en no kamnia ne noaten nan en ma media e koshamnia. To what we thought, the cushion we had, the gum we had, the commando, the tire, the mountain we had. The condiment. Voilà, c'était Nikamouat de Florent Volant et Sylvain Michel. Ça, c'est sur Ekamanou Mamou, c'est de 2009, cette compilation. Alors, Renaud, on poursuit donc... On continue? Oui. Sur... un aspect un peu moins ouais. Joyeux. Ben, c'est bon. Alors, je reprends avec quelques éléments de poésie, toujours cité par Georges Sioui dans son livre. Bientôt vinrent des maladies, et avec celles-ci la méfiance, la discorde, la division. On imputa les morts à la sorcellerie. À cause de la sorcellerie et des maladies, quelques-uns des chefs quittèrent le grand village, avec leurs gens, pour aller vivre à quelque distance de là, par crainte des esprits de tous ceux que les épidémies avaient fait mourir. La terre est devenue mauvaise et hantée par de dangereux esprits. Éventuellement, le village fut totalement abandonné. Les groupes fissionnés formèrent leur propre village, dispersés en sous-groupes mutuellement hostiles, mais ne se séparèrent pas complètement du point de vue cérémonial. Les chroniques de l'époque sont remplies de récits d'incursions faites par des groupes contre d'autres, de nombreux massacres faits par des représailles pour la mort par maladie causée par des lignages ou des villages rivaux, accentuaient la peur d'une vengeance de la part d'anciens voisins et concitoyens. Il est toujours question des kayapos. Certains individus sont accusés d'avoir fait se déclarer une maladie. L'accusé doit alors fuir le village avec sa famille et ses parents, loyaux, et se résigner à se faire tuer. Ou se résigner à se faire tuer. S'il proteste de son innocence, l'accusé ainsi que toute sa famille élargie, peuvent choisir de combattre l'accusateur et la famille élargie de celui-ci. Les perdants dans ce conflit dramatique, ritualisé et extrêmement sérieux, doivent s'en aller du village. Des segments importants de la population d'un village ont ainsi été détachés à cause d'accusations de sorcellerie et ont dû fuir leur lieu d'origine. Le mécanisme culturel important qui intervient dans l'occupation d'un site est la peur des esprits. Traditionnellement, les Kayapos abandonnent une maison si plusieurs morts y surviennent durant une brève période de temps. Un site entier de village est abandonné si plusieurs personnes y meurent comme durant une épidémie. Les archives des villages des missionnaires ainsi que celles des agents des Indiens montrent qu'un taux de mortalité de 60% ou plus était commun dans les missions Kayapos, après qu'on eut établi ces gens dans des postes indiens, ce qu'on appelle ici des réserves. Une augmentation des relations hostiles à l'intérieur des groupes suivit la désintégration du village. De même, les Kayapos se montrent beaucoup plus hostiles et agressifs envers les étrangers qu'ils l'avaient été avant d'être décimés par les épidémies. Les plus âgés des survivants se souviennent du village et parlent des temps avant qu'il y eut beaucoup de maladies, lorsque les Kayapos vivaient en paix avec leurs voisins. Aujourd'hui, ils ressentent de la honte à cause des morts dues à la guerre et aux relations hostiles à l'intérieur de leur groupe. Vous comprenez que posé, le chercheur étudie un processus qui intervient lors des premiers contacts. Ceux-ci ne se sont pas tous produits en même temps. C'est pour ça qu'à certains moments, ils se réfèrent aux chroniqueurs du 16e et 17e siècle et à d'autres moments aux archives des villages missionnaires et des agents indiens qui, eux, sont plus récents. Fait que, la théorie de Dobbins a eu 16 heures de gloire, même chez les historiens non indiens durant les années 70, 80 et 90. Aujourd'hui, elle est plus questionnée et on est réticent à l'appliquer à tous les groupes des Amériques, selon Denis Delage, qui est un expert professeur émérite à l'Université Laval. Oui, quelqu'un qui connaît bien les... Oui, c'est ça. Puis comme je l'ai rencontré récemment, j'ai envoyé un petit courriel pour me confirmer ça. Puis c'est lui qui m'a dit, oui, c'était une théorie en vogue, 70, 80, 90, mais aujourd'hui, on ne veut pas l'appliquer à tous les Indiens des Amériques. Là. Ouais. Alors, les bibliographies, posées, là, ça s'appelle Contact Before Contact, Typology of Post-Colonial, Post-Columbian Interaction with Northern Kayapo of the Amazon Basin. Puis là, excusez mon portugais. Oui. Nucleo de Etnobiologia, Boltin Museo Pariense, Emilio Goeldi, Nova Serie Anthropologica. Comme voilà, je le dis, 3, numéro 2. On va mettre ça sur notre blog pour que les gens puissent... Oui, ça va être plus simple. Puis Henry F. Dobbin, Estimating Aboriginal American Population, An Appraisal of Techniques with a New Hemispheric Estimate. Ça, c'est à Current Anthropology. Puis il y a aussi un article de Number Become Tint, Native American Population Dynamics in Eastern North America. Ça, c'était publié Université Tennessee Press, 1983. Puis tout ça a été cité par George E. Siwi, Les Hurons-Wendat, une civilisation méconnue, publié aux presses de l'Université Laval en 1994. Alors, merci encore, chers auditeurs. C'est une autre fenêtre sur les Indiens d'Amérique. Passez de très heureuses fêtes du retour de la lumière, qui est célébrée en Amérique depuis 10 000 ans. Noël ne date pas d'aussi loin. À la prochaine. Bien, merci beaucoup, Renaud. C'était peut-être un petit peu déprimant, mais comme toujours, toujours aussi intéressant de découvrir des aspects moins connus, méconnus, moins connus de la réalité des Indiens d'Amérique. Il me reste à mon tour à te souhaiter de très joyeuses fêtes. Et quant merci. À nous, et on se revoit en 2013, j'en profite donc pour, en fait, souhaiter avec tes proches là, de passer des moments de réjouissance, les proches et amis. Merci beaucoup, c'est ce que j'offre aux auditeurs. À la prochaine, Renaud. Au revoir. De notre côté, nous allons faire une pause musicale et je vous invite du côté d'un groupe qui est devenu un groupe africain qui est devenu un groupe populaire en dehors de l'Afrique. Curieusement, d'ailleurs, ce groupe a été découvert par les Blancs. C'est comme ça, en fait, ce groupe est formé de musiciens de rue de Kinshasa. La moitié sont handicapés en chaise roulante Et ce groupe, donc, a fait une première tournée musicale. Et là, ils viennent de sortir une compilation qui s'appelle Bouger le monde. Et je vous invite à écouter la chanson Jambula, Trop de problèmes, à propos de la prolifération des églises protestantes et de l'avidité des pasteurs qui y sont vilipendés. On écoute Jambula. Jambula ye mamangwe Jambula jambula jambula jambula ye mamangwe Mokili to monine makamwe Apena mokili zalibe kokola Bikomba na mokili zalibe kotonda Balangani mokili mokima Akati siri zobe bide tepe bazamba u Jambula Jambula Jambula Jambula Jambula Jambula Magamwe Jambula Jambula Jambula Jambula Magamwe Koti politike Basan tuto komi ba teroriste Basan tuto bomani po nambongo Sambona mboko yo Toko yo kela nanye Toko boya nanye Toko me la tango ya soto mo la gomore Makambo Jambula, jambula, jambula, jambula Wante wantu kaye, wante wantu akwaye Wante wantu chaye Sete mo la gomu beba tonja tabe nara Voilà, c'était Jambula. Le groupe s'appelle Staff Benda Bilili. C'est sur la compilation Bouger le monde. Petite question. Petite question, oui, de notre ami Claude Vaillancourt, que nous remercions pour son éditorial, comme d'habitude. Tout comme je remercie Luc Binette, avec qui nous avons discuté du Tribunal permanent des peuples. Et merci aussi également à Renaud Blais pour ces informations toujours aussi intéressantes. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site 89.1. Vous cherchez dans la programmation de l'onde le nom de notre émission et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ces enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attac Québec, www.quebec.attac.org, où vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et bon entre autres celles contre les paradis fiscaux, celles aussi sur l'accord de libre-échange avec l'Europe et aussi sur la façon de devenir membre d'Attac Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog Le Grain de Sable en un seul mot, legraindesable.qc.org, où je vais mettre aussi les divers liens internet, mais aussi là la bibliographie que nous a donné tantôt Renaud Blais. Donc je vais mettre tout cela un peu plus tard dans la journée, vers la fin de l'après-midi. Nous avons aussi une page Facebook, cherchez-y Le Grain de Sable sur CKRL, et aussi un compte Twitter. Le compte Twitter, c'est Grain de Sable QC. Grain de Sable QC. Vous faites twitter.com/ Grain de Sable QC en un seul mot. Réagissez-y, ça nous fera grandement plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi, évidemment, vous abonner soit à notre compte Twitter, soit à notre page Facebook. Nous avons mis un lien pour vous y rendre, d'ailleurs, aux deux endroits sur notre blog. Attac Québec veut dire, je vous le rappelle, Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Vous aimeriez qu'on vous lise en onde? Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse courriel Le Grain de Sable, toujours en un seul mot, Le Grain de Sable, @hotmail.com. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de Sable d'Attac Québec. Mon nom est Michel Monette. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et fin de semaine. Demeurez avec nous pour l'émission Contes de fées, animée par Olivia Vu, sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Ha! J'en arrache les skieurs par MC Phyllis et Max Robin. Y'en a qui ont la blonde à l'aide dans le nord en plein hiver pour se faire geler comme des grêlons, j'suis ben mieux chez nous à couvert. Y'en a ben assez que j'en arrache à rester debout sous mes deux pieds pour marcher sur le plancher des vaches. J'irai pas en ski mettre au pied. Il marche embarqué sur deux plaintes avec l'air de s'évertuer à se faire glisser à tout éteindre comme s'ils avaient envie de suer. Les skieux se promènent en culotte, y'en a qui ont l'air des échalotes, pis d'autres qui sont tellement boulottes qu'on a pas qu'elles volent en éclat. Oui, y'en a ben qui ont une charpente à se demander si c'est certain qu'elles feront pas écrouler le mont bord en embarquant un bon matin. Y'a ben des skieurs qui vont en fait se promener dehors malgré le nord-est. Pis donc ils font du ski chasse fait bien confortable dans le chalet. Des jeunes vont se promener loin de la ville en disant c'est pour faire du ski. Mais y'en a qui sont moins habiles sous ski que ces verres de whisky. Les vrais skieurs c'est petit non. Les autres restent à l'hôtel au chaud. C'est-il ça comme dirait Pardon? Une histoire des pays d'en haut. Une histoire des pays d'en haut. C'est-il ça comme dirait Pardon? Une histoire des pays d'en haut. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Chez Contes de Fées, la magie est dans les histoires. En sortie le 15 décembre, venez vous faire ensorceler au Studio P dès 13h au 280 Saint-Joseph-Est. Après avoir été envoûté par Yolaine la Conteuse, vous partirez quelque part en Amérique avec Alain Beaulieu. Ensuite, Cassandre vous chantera l'amour et Tania, notre libraire, dira le mot de la fin avec ses livres. Gourmandise et prix de présence à la fin de l'émission. C'est gratuit. Une invitation du Café Babylone, du Studio P, de la librairie Pantoute et de CKRL. À la recherche d'un traiteur avec un chef issu des meilleurs restaurants de Québec mais qui vous offre un excellent rapport qualité-prix? Pensez à Équilibre Boutique Traiteur. Installé dans le Vieux-Port de Québec, il vous propose en salle à manger des menus à partir de $14 et un menu du soir en dégustation à l'aveugle sur réservation.